J'accorde la guitare. Thank you. Je ne suis pas carré du tout. Thank you. Thank you.

Thank you. bizarre ce synthé. Hein. Ah ouais, c'est toi le bon. J'ai tout bloqué mon ordinateur. J'ai tout bloqué. Petite pause roulage de pétard pour moi. Vous restez là ? Stay right here. Thank you. coupe le son. Non, ça déboîte. Thank you.